Je vais évoquer maintenant les exigences familiales, sujet qui concerne tout un chacun à des degrés divers. Il paraît que faire un enfant est un acte narcissique, ou du moins une identification projective. C'est probablement pour cela que les parents reportent fréquemment sur leur progéniture leur propre ambition et surtout l'espoir de concrétiser par procuration leur rêve déchu. C'est ainsi que, persuadés de savoir ce qu'il y a de mieux pour leur descendance, ils les oppressent avec des objectifs qui ne conviennent pas. Cette condition ne fait qu'empirer au fil du temps, lorsque le clan impose non seulement une direction, mais aussi un mode de vie, quelquefois une carrière professionnelle ou encore un lieu de résidence. Pire encore, il y a le droit de regard sur les convictions personnelles et surtout sur la sexualité qui doit à tout prix être acceptable. Malheureusement, ce que la dynastie pense être une preuve d'amour est en réalité vécu comme un enfer pour l'enfant, qui ne se sent pas libre de ses mouvements et encore moins respecté dans ses choix. En effet, les parents oublient tout bonnement que ce n'est pas parce qu'ils ont donné la vie qu'ils ont tout pouvoir. En résumé, les bouddhistes, végis, LGBT et autres esprits déviants sont malheureusement encore trop souvent fustigés, alors que la représentation du bonheur diffère selon les personnes et que les normes évoluent à chaque génération. Il est donc ridicule de vouloir imposer une trame souvent ringarde. Forcément, ça finit par partir en couille, ce qui est tout bénef pour les psys, qui n'en finissent pas de traiter des problèmes en lien avec le poids de la filiation ou autre chantage à l'affect. Pourtant, il suffirait de faire preuve de tolérance pour éviter les drames. D'ailleurs, ce qui est valable dans un couple vaut aussi en famille. Aimer, c'est accepter l'autre comme il est, et non comme on voudrait qu'il soit.